partons à ce autre fil. Attends-nous, attends-nous, attends-nous. Et les deux animaux, le chat, et notre amour. Il faut s'éloigner de ça.